Kanyangi. Nous sommes mardi 25 août. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici, madame, monsieur, les grands titres. Mise en place ce mardi du bureau du Sénat burundais, tous sont membres du parti au pouvoir et la première vice-présidente a été reconduite. Les habitants des zones Kanyosha et Moussaga, c'est en commune urbaine d'Omura, se réjouissent des travaux de réhabilitation des avenues qui étaient délabrées. La situation financière des entreprises para-étatiques n'est pas en général bonne, c'est notamment l'ONATEL, dit le commissaire général adjoint du service chargé des entreprises publiques, SCEP. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Eric Wimana. Vous aurez également la chronique santé. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page politique pour débuter cette édition mise en place ce mardi à Gitega du bureau de la Chambre haute du Parlement burundais. Ainsi, Emmanuel Sinzohagera Hutu, élu dans la province Bujumbura rurale, a été élu président du Sénat. Spes Caritas Njebari Kanouye Hutu, élu dans la province Gitega, est reconduite en tant que première première présidente. Et Chimilimana Siriak Tutsi, élu en province Ruyigi, a été élu comme deuxième vice-président du Sénat. Ils sont tous membre du parti CNDD-FDD. Les travaux étaient dirigés par le sénateur le plus âgé. Le point avec Arthur Kavaouché depuis Gitega. Les travaux du Sénat de ce mardi concernaient la mise en place du bureau, c'est-à-dire le président et ses deux vice-présidents. Ces travaux étaient présidés par le sénateur le plus ancien, Njekurisansuma Jean Bosco, qui a expliqué à Daniel Bachemeza du parti CNL, élu à Boubanza, qu'il ne peut pas se faire élire à aucun poste, vu que son parti n'a pas envoyé de lettre approuvant sa candidature. Emmanuel Sinzohagera Hutu, élu dans la province Bujumbura, a été élu président du Sénat sur 38 voix avec une abstention. Spes Caritas Njebari Kanouye Hutu, élu dans la province Gitega, a été élu première vice-présidente au moment où Nshimilimana Siriak, élu dans la province Ruyigi, a été élu deuxième vice-président. Tous les membres de ce bureau sont du parti CNDD-FDD. Le nouveau président du Sénat a demandé au nouveau sénateur de travailler en synergie et il a vite passé à la remise et reprise avec le président sortant. Les travaux en plénière du Sénat ont débuté le 18 août de cette année et ils ont pu adopter le règlement d'ordre intérieur qui va les régir. Depuis Gitega, Arthur Kavabushi pour la radio Isanganiro. Merci Arthur Kavabushi. En page justice, 5 ans de prison et une amende de 100 000 francs burundais, telle est la peine que vient de prononcer la Cour anticorruption à l'endroit de l'ancien officier de police judiciaire de la commune Isare. Sabine Demni Elias a été inculpé de corruption passive. L'inculpé indique qu'il va interjeter appel. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h pile dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition par cette page environnement. L'usage des sachets en plastique a diminué à hauteur de 99%. Ceci a été dit ce mardi par le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage dans une réunion d'échange organisée ce mardi à l'intention des commerçants et fabricants des emballages biodégradables. Le ministre Rurema a appelé ces commerçants à mettre en avant l'intérêt du pays. Du côté des commerçants, il demande au gouvernement d'éviter toute entrée frauduleuse de ces sachets en plastique. Et les habitants des zones Moussaga et Kanyosha apprécient positivement les travaux de pavage des routes de la deuxième, troisième et quatrième avenue à Moussaga et celle de la septième avenue reliant la zone Kanyosha au quartier Kinanira, la douzième avenue. L'administration à la base souhaite que ces travaux soient achevés avant la période pluvieuse. Et en province Boubanza, une centaine de personnes ont assiégé le matin de ce mardi le bureau de la commission électorale communale indépendante ainsi que le bureau communal d'Ogihanga. Ils s'insurgeaient contre les résultats des élections collinaires de ce lundi avant d'être repoussés par la police. L'administrateur de la commune Gihanga leur a demandé de déposer leur plainte à la commission électorale provinciale indépendante étant donné que les résultats de ces élections ne sont pas encore proclamés officiellement. Une information que nous devons à notre correspondante en province Bubanza, Spes Caritas Kabanyana. Eh bien, pour attendre d'autres informations, on continue juste après une courte transition. Eh bien, la technique que m'a fait signe que l'élément de Spes Caritas Kabanyana est prêt. Eh bien, une centaine de personnes ont assiégé le matin de ce mardi le bureau de la commission électorale communale indépendante ainsi que le bureau communal de Gihanga en province Bubanza et s'insurgeaient contre les résultats des élections collinaires de ce lundi. Avant d'être repoussés par la police, l'administrateur de la commune Gihanga leur a recommandé de déposer leur plainte à la commission électorale provinciale indépendante étant donné que les résultats de ces élections ne sont pas encore proclamés officiellement. Le point avec Spes Caritas Kabanyana. Depuis la petite matinée de ce mardi, les habitants de la colline Lumotomoto en commune Gihanga, environ une centaine, étaient déjà rassemblés dans la route en direction du chef-lieu de la commune. Ils ont alors assiégé le bureau de la commission électorale communale ainsi que le bureau communal, expliquant qu'ils sont contre les résultats des élections collinaires de ce lundi. L'un des manifestants nous a signifié ne pas comprendre comment les bulletins du nouveau bureau de vote de l'école fondamentale Mahoro au village d'Opé de Kagwema, éloigné à environ 4 km de la colline Lumotomoto, ont été compté sur cette colline de Lumotomoto. Avant d'être repoussé par les policiers, l'administrateur de la commune Gihanga a demandé à ces personnes de laisser les manifestations et de déposer leur plainte à la commission électorale provinciale, étant donné même que les résultats de ces élections ne sont pas encore proclamés. Léopold Ndaïsaba a ajouté que les bulletins du bureau de vote de l'école fondamentale Mahoro de Kagwema devaient être comptés à Lumotomoto car administrativement, c'est la sous-colline. Espérance Valutwanayo, président de la commission électorale communale, a également précisé que les différents bureaux de vote, y compris celui de l'école fondamentale Mahoro, contesté par les manifestants, ont été mis en place conformément à la loi et selon les demandes des candidats et des votants. Spes Caritas Kabanyana, Agihanga, pour la radio Isanganiro. Page gouvernance. À présent, la situation financière des entreprises et para-étatiques n'est pas bon en général. Ceci est dit par le commissaire général adjoint du service chargé des entreprises publiques, SCEP, Tarsis Ngunzimana, donne l'exemple de l'Office national de télécommunications Onatel qui en 2014, de 2014 à 2018, avait un endettement de plus de 113 millions de francs burundais. Il précise que l'endettement et la vétusté de l'outil de production font partie des causes majeures handicapant l'économie de ces entreprises. On l'écoute. Dans tous les cas, les problèmes généraux qu'ils ont concernent l'endettement, la vétusté de l'outil de production. Il y a aussi une question qui est liée au management, qui doit être plus performant. D'une manière générale, il y a donc un endettement excessif pas pour certaines entreprises. L'évolution, par exemple, de 2014 à 2018, si on combine les dettes à long et à moyen terme et les dettes à court terme, donc on a le total de dettes pour l'Onatel. Si vous mettez ça à 1 million de francs burundais, c'était 113 810. Mais je dis bien à 1 million de francs burundais. Il y a parfois l'impréparation et l'inadaptation à la concurrence qui est généralement liée à la libéralisation des divers secteurs. Et cette concurrence se manifeste comment? Cette concurrence se manifeste par, je dis d'abord qu'elle est liée à la libéralisation des secteurs. Et le plus souvent, les entreprises publiques, il est parfois difficile d'être concurrentiel par rapport aux entreprises privées. Parce que en réalité, une entreprise publique et une entreprise privée correspondent à deux logiques différentes. Pour une entreprise privée d'abord, la loi du marché, que certains appellent une main invisible, gouverne l'entreprise privée, alors que celle de l'État gouverne l'entreprise publique qui est une main visible. Pour les privés, ils mettent en avant l'optimisation des flux financiers générés à long terme, tandis que pour l'entreprise publique, il suffit de contribuer aux grands objectifs nationaux. Que faudrait-il faire alors pour que ces entreprises génèrent un revenu suffisant pour le développement du pays? La première chose, c'est l'amélioration du management. Deuxièmement, il faut en suivi les grilles du fonctionnement des équipements, les remises en état et les remplacements en cas de besoin. Il faut également améliorer le système de recouvrement des créances. Tarsis Ngunzimana, c'est le commissaire général adjoint du service chargé des entreprises publiques SCEP, au micro de Vestine Boutoui. Radio Isanganiro, chronique santé. Une femme enceinte doit faire des examens à temps et suivre les conseils des médecins. Docteur De Gracias Nukamazina, gynécologue, précise que cela faciliterait les mesures préventives en cas de détection d'une quelconque maladie. Ce spécialiste conseille également les prestataires de soins de santé à suivre de près les femmes qui sont en phase d'accouchement afin d'éviter toutes sortes de complications. La chronique santé de ce mardi est signée Ornella Mucho. Les femmes enceintes doivent pouvoir bénéficier des soins à temps pour éviter le traitement tardif ou inapproprié. Docteur De Gracias Nukamadina, gynécologue, précise que cela offre plus d'occasions de détecter et de prendre en charge des maladies. Elle devait être suivie, fait des consultations prénatales. Actuellement, l'OMS recommande même oui, visite au cours de la grossesse. Au cours de cette grossesse, c'est le moment de dépister ces différentes pathologies que la maman présente ou avant la grossesse ou ces pathologies qui surviennent au cours de la grossesse pour bien les traiter afin d'éviter qu'il y ait des complications, que ce soit maternelle, que ce soit fœtale. C'est vraiment très très important le suivi de la grossesse, surtout pour les premières grossesses, même pour d'autres. Mais il y a donc une visite très très obligatoire et très très importante, la visite du 9e mois à l'approche de la couche, pour décider quel sera votre mode d'accouchement, madame. Voilà. Je conseille à ces femmes aussi d'aller accoucher dans une structure de soins. Mais certaines, comme j'ai dit, doivent obligatoirement accoucher dans un hôpital, puisqu'il y aura probablement besoin d'une césarienne. Il précise que les prestataires de soins ont le devoir d'éviter autant que possible les complications en phase d'accouchement et intervenir dans l'urgence en cas d'un problème survenu. Comme j'ai dit, ça commence d'abord par le suivi prénatal. Voilà, est-ce qu'il y a une anémie qui est un grand facteur de saignement, bien sûr, qu'il faut prévenir pour éviter qu'il y ait un saignement, bien sûr. Est-ce que, surtout au cours du travail d'accouchement, il faut bien surveiller cette femme qui a commencé son travail d'accouchement. Est-ce qu'elle a commencé à quelle heure? Comment ça a évolué, puisque chaque heure, c'est la débute de son travail d'accouchement. Après une heure, il y a quelque chose qui s'ajoute. Que ce soit le bébé qui descende, que ce soit l'utérus qui s'ouvre pour laisser passer le bébé, ça doit y avoir une évolution progressive, pas à l'heure. Si cette évolution, donc tu l'examines à 9h du matin, 10h est toujours à la même dilatation, c'est toujours 2 cm, ils sont au courant de ces mesures. À 11h, il est toujours à 4, c'est qu'il y a un problème soit de passage, soit des contractions insuffisantes, soit un problème de gros bébé qui ne peut pas passer, ou un problème de basse. Là, ils sont au courant sur ce paratogramme qu'il faut chercher une cause qu'il faut réparer rapidement. Une alimentation saine et la prise régulière de médicaments sont également recommandées pour pallier le problème d'anémie. Et puis, préparer son accouchement. Elle a une grossesse, elle approche l'accouchement. Elle est à 3 ou même plus de 5 km dans un centre de santé. Savoir comment elle va y aller si c'est la nuit. Ce qu'il faut faire, c'est de pallier à ces carences que la femme présente au cours de la grossesse. Ces carences en premier, c'est carences en fer qu'il faut faire en complément. C'est pour laquelle on lui donne un comprimé de fer pour qu'elle puisse donc remonter le taux d'hémoglobine. Et puis d'autres, il y a d'autres carences comme carences en calcium, comme carences en magnésium, comme carences en ceci, cela. C'est pour laquelle, pour les dames qui en sont capables, ils peuvent prendre du lait. Le lait, c'est complet. Il y a de tout ça, que ce soit les œufs, que ce soit la viande. Il y a de tout ça, mais souvent, c'est pas facile d'en avoir. Raison pour laquelle on leur fait une supplémentation. Il affirme qu'actuellement, le taux de décès maternel a baissé grâce à la politique de la gratuité des soins pour les femmes enceintes. Il fait savoir qu'avant, ils enregistraient 1000 décès par 1000 naissances, mais qu'actuellement, le taux est à moins de 400 décès par 1000 naissances. On est là, mucho. Voilà, 13h10 dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition, mais permettez-moi de vous en rappeler les grands titres. Mise en place ce mardi du bureau du Sénat burundais. Tous sont membres du parti au pouvoir. Eh bien, le président, c'est l'honorable Emmanuel Sinzohagera Hutu, élu en province Bujumbura. La première vice-présidente, c'est Espèce Caritas Njewari Kanouye. Elle est reconduite, tandis que le deuxième vice-président du Sénat burundais, Nshimirimana Siriak, Tutsi, élu en province Ruyigi. Et les habitants des zones Kanyosha et Musaga se réjouissent des travaux de réhabilitation des avenues qui étaient et délabrée. Et l'endettement et la vétusté de l'outil de production font partie des causes majeures handicapant la santé financière des entreprises para-étatiques. Ceci est dit par le commissaire général adjoint du service chargé des entreprises publiques, SCEP. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à toute la rédaction Isanganiro qui m'a aidé à le réaliser, à Riku Imana qui a assuré la mise en onde. Je vous dis merci. Un très bon après-midi à tous. Au revoir.